l'ordre dans la maison de Dieu ou l'obéissance au commandement de Dieu. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons servir ce Dieu dans l'ordre et nous devons obéir à ses prescriptions. En ce temps-là, l'obéissance ou l'observation du sabbat était l'un des commandements divins. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons plus besoin d'observer le sabbat comme ce fut le cas au temps de l'Ancienne Alliance. Parce que la Bible nous dit que en Jésus, nous nous reposons chaque jour. Dieu fixe aujourd'hui. Le nouveau jour pour nous reposer, c'est aujourd'hui. Mais la leçon que nous devons tirer, c'est que nous devons obéir au commandement divin, à la parole de Dieu. Quand le Seigneur te parle, quand tu entends la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu dois obéir. Toute désobéissance n'est pas acceptable, ne doit pas être tolérée. C'est ce que Néhémie a constaté. Il a constaté que les gens violaient le sabbat. Les jours de sabbat, selon le judaïsme, selon la loi juive, on ne pouvait pas faire du travail ces jours-là. Ce n'était pas les jours où il fallait faire du commerce. Et Néhémie a constaté que même les grands de Juda violaient ce principe. Il leur a fait des réprimandes. Il est dit ici, au verset 15, « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur les ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amenés à Jérusalem les jours du sabbat. Je leur donnais des avertissements les jours où ils vendaient l'air d'arrêt. » Il y a des gens envers qui nous devons faire des avertissements. D'autres, nous devons faire des réprimandes, même aux grands. C'est pour dire que la discipline a sa place. Parfois, ça commence par des réprimandes. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les réprimande. Je vais parler à quelqu'un. Comment mon frère, comment ma soeur, tu ne veux pas qu'on te donne des remarques? Lorsqu'on te fait des remarques, tu fais des problèmes. Non, nous sommes des hommes, nous sommes faillibles. Vous voyez ici, Néhémie fait des reproches aux grands de Juda. Il est dit au verset 17, « Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, qu'est-ce qui signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant les jours du sabbat? » Deuxième vérité concerne les conséquences néfastes de mariage avec les non-chrétiens. Ici, on parle de mariage avec les étrangers parce que étrangers ici, il faut entendre par là les non-juifs. Selon la loi de Moïse, il était interdit à un juif d'épouser un non-juif. Vous voyez, pour nous ici, de la Nouvelle Alliance, c'est l'équivalent d'épouser un non-chrétien. Vous voyez? Et ici, le texte nous montre trois conséquences négatives de ces alliances-là. D'abord, ces alliances peuvent nous pousser à la désobéissance de Dieu. Tu peux être un bon chrétien, tu es engagé, mon frère. Lorsque tu vas t'allier avec une fille, une femme qui ne connaît pas le Seigneur, peut-être elle est dans le mysticisme, dans la sorcellerie, elle peut t'entraîner ou il peut t'entraîner. C'est ainsi qu'on cite l'exemple de Salomon. Vous voyez, au verset 26, il est dit, « N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. » Vous voyez, il y a des gens qui citent souvent l'exemple de Salomon pour dire « Je peux être polygame parce que David, parce que Salomon avait plusieurs femmes. » Vous voyez, ici, on montre que Salomon, là, ce qu'il a fait, ce n'est pas un exemple à suivre. Dans la Bible, il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Donc, les femmes que Salomon avait prises là, c'était non seulement des femmes étrangères, mais des femmes qui adoraient d'autres divinités. Et ces femmes ont entraîné Salomon à adorer d'autres divinités. Vous voyez d'abord la première conséquence, lorsque tu vas épouser un non-chrétien, une non-chrétienne, il peut t'égarer loin de la foi. Deuxième conséquence, c'est que cela constitue un péché. Cette union-là, c'est un péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la loi de Dieu. Il y a des gens souvent qui disent, moi je vais le convertir ou je vais la convertir. Mon frère, le verset 26 dit, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allié aux femmes étrangères. Et le verset 27 ajoute, « Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères ?» C'est pour cette raison que lorsque Néhémie a appris qu'il y avait encore des gens qui ont épousé des femmes étrangères, au point où les enfants ne pouvaient même plus parler l'hébreu qui était la langue dont le peuple se servait pour le culte, il était un peu violent. Ici, je ne veux pas dire que nous devons commencer à maudire les gens et frapper les gens comme Néhémie. Mais il montre vraiment que nous ne devons pas tolérer le péché. Vous voyez? Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Troisième conséquence, ces mauvaises alliances-là avec les non-chrétiens, dans le cas du mariage, ouvrent la porte à l'ennemi pour perturber nos familles. Vous voyez? Regardez ici, on cite un certain Sambala. Nous connaissons comment Sambala était l'ennemi des Juifs. Celui qui était la tête d'affiche pour combattre la reconstruction de la muraille. Et la Bible dit au verset 28, « Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. » Mais Néhémie dit, « Je l'ai chassé devant moi. » Tu vois, mon frère, les agents des ténèbres là, ils peuvent s'infiltrer dans une famille par un mariage. Je vais parler à quelqu'un. Tu vois la fille là, qui veut épouser coûte que coûte votre fils là. Il veut la séduire. Elle a un esprit de séduction de Jézabel. Parce que en épousant votre fils là, elle veut mélanger toute la famille. Elle ne connaît pas le Seigneur. C'est pourquoi il faut implorer la grâce de Dieu. Il faut prier. Lorsque vous voyez votre fils, vous voyez votre fils s'attacher à un non-chrétien pour l'épouser, souvent ce sont des cas d'envoûtement. Il faut la prière. Il faut la grâce de Dieu. Parce que un tel mariage non seulement peut mettre la personne en danger, l'éloigner de Dieu, mais ça ouvre la porte pour mélanger toute la famille. Regardez, la famille d'un souverain sacrificateur. Son petit-fils était gendre de Sanballat. Sanballat a réussi à s'infiltrer par les liens du mariage. Vous voyez? Et c'était pour lui un moyen de combattre de l'intérieur ce que Néhémie faisait. Faisons donc attention à ces alliances-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier le Seigneur en chantant ces cantiques. Omega, c'est Jésus. C'est Jésus, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Alpha, Omega, c'est Jésus. C'est Jésus, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Alpha, Omega, c'est Jésus. C'est Jésus, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Alpha, Omega, c'est Jésus. C'est Jésus, notre Dieu tout-puissant. C'est Jésus, puissant. Alléluia, Alpha, Omega, c'est Jésus. C'est Jésus, notre Dieu, tout puissant. Omega, ou di Yesu, ou di Yesu, zambiwe toi pou kole. Alléluia, Alpha, Omega, ou di Yesu, ou di Yesu, zambiwe toi pou kole. Le tout puissant, Alpha, Omega, ou di Yesu, ou di Yesu, zambiwe toi pou kole. Le roi des gloires, Alpha, Omega, ou di Yesu, ou di Yesu, zambiwe toi pou kole. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir l'Éternel. Lui qui t'aime. Lui le Dieu qui t'a racheté. Lui qui te fait ses révélations pour que tu puisses marcher, le servir comme il se doit. Bénis-le. Amen. Notre émission de prière s'appelle OSB, Opération sur la brèche. Le passage du jour, c'est Néhémie 13, 15 à 31. Nous venons de voir l'importance d'observer le commandement de Dieu et de servir Dieu dans l'ordre, bien-aimé dans le Seigneur. Demandons pardon à Dieu pour toute désobéissance. Oui, nous connaissons souvent la parole de Dieu, mais nous transgressons le commandement de Dieu. Prions le Seigneur pour qu'il nous pardonne et qu'il nous donne la capacité d'obéir à sa parole. Père éternel, toi qui es glorieux, toi qui nous donnes le souffle de vie, ce matin, nous exprimons notre joie. Nous reconnaissons le privilège d'être enfant de Dieu et d'avoir le souffle de vie en nous. Nous prions au Père éternel et nous demandons pardon parce que nous n'avons pas mis en pratique ta parole. Nous demandons pardon au Père éternel parce qu'il y a eu des moments où nous avons ignoré tes commandements, nous avons ignoré tes instructions. C'est pourquoi nous demandons, Père, reçois notre prière de repentance. repentance et que notre prière de reconnaissance également nous donne cette faveur de ta part. Nous prenons l'engagement de marcher dans tes voies, de mettre en pratique tes commandements dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se sont éloignés de toi, ceux qui se sont écartés de toi, écoute leur prière, écoute l'expression de leurs regrets et restaure-nous au Père éternel dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ton aide parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Sans ta parole, notre foi ne peut pas être édifiée. Sans ta parole, nous ne pouvons pas combattre spirituellement. Sans ta parole, nous ne pouvons pas croître spirituellement. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous te demandons de nous donner la force de maintenir cet engagement, de mettre en pratique ta parole et de marcher dans toutes tes voies. Merci Père pour toutes choses. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs qui veulent s'engager dans les liens de mariage. Ils cherchent des maris, ils cherchent des femmes. Mais il y a ceux qui sont sur la mauvaise voie, qui cherchent à épouser des non-chrétiens, des non-chrétiennes, parce qu'ils disent « mon âge est avancé ». Prions Dieu pour que le Seigneur les aide à comprendre que c'est un grand piège. Prions l'Éternel afin qu'ils puissent ouvrir leur intelligence au nom de Jésus, afin qu'ils ne prennent pas à la légère cet engagement. Prions le Seigneur. Sois béni ce matin pour ce sujet de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, le mariage vient de toi. C'est toi qui unis un homme et une femme. Et nous avons vu dans l'exemple d'Adam et Ève, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude engendre le péché, engendre les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Nous voulons te prier ce matin, toi qui as dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous voulons te recommander, nous voulons te confier dans nos églises beaucoup de nos frères et sœurs qui sont célibataires, qui vivent seuls, qui vivent dans la solitude, qui n'arrivent pas à supporter. Nous t'en prions ce matin, que un bon choix soit fait, que ton esprit les conduise, que ton esprit les dirige, afin que ta volonté s'accomplisse. Et ô Seigneur, nous te prions, afin que le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, ne puisse pas se lier, ô Seigneur, s'allier à un corps étranger, à une personne qui ne te connaît pas. Parce que quelle est la différence entre Christ et Bélial, entre les ténèbres et la lumière, entre la maison de Dieu et la maison des idoles? Nous te prions, Seigneur, de susciter ces bien-aimés frères pour que le mariage soit fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos enfants. Si tu as un enfant, un garçon qui a l'âge de se marier, une fille qui a l'âge de se marier. Oui, souvent, quand l'ennemi n'arrive pas à nous atteindre, il vient s'infiltrer parmi nos enfants pour téléguider et envoyer des jeunes filles qui ne connaissent pas le Seigneur ou bien qui font semblant de connaître Dieu. Des jeunes garçons qui veulent les égarer. Prions pour nos enfants, afin que Dieu les aide, afin que tout projet de mariage qui ne vient pas de Dieu, qui cherche à s'infiltrer dans la famille, soit révoqué, soit annulé, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. l'onction sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Père Céleste, ce matin, nous sommes heureux encore de nous approcher de toi. C'est un privilège que tu nous donnes. Ô Éternel, tu es notre Dieu. Je t'exalte, je te célèbre, car tu fais des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis et s'accomplissent toujours. Chaque jour, Seigneur notre Dieu, tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la joie, la paix. Tes promesses pour nous sont oui et amen. Tu nous as donné des héritages qui sont nos enfants. Merci pour ces enfants que tu as gardés, protégés, que tu as donné, Seigneur notre Dieu, cet âge pour être des hommes matures et qui veulent s'engager dans les liens sacrés du mariage. Nous en sommes conscients, mais Père, souvent le diable envoie des filles qui font confession de te connaître pour troubler leur quiétude, des jeunes garçons pour perturber, oui, la vie de nos enfants-filles. Aujourd'hui, Saint-Esprit, nous voulons nous lever contre tous ces méchants, toutes ces personnes déguisées pour détourner la pensée de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous répandons ton sang sur nos enfants. Couvre-les, que l'aveuglement tombe. Donne-les le discernement. Donne aux parents aussi le discernement. Donne aux enfants d'accueillir les conseils avisés des parents pour que le choix de leur futur conjoint soit fait selon l'Esprit à la gloire de ton nom. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que demain, dimanche 1er mai, c'est le début du jeûne spécial OSP Jéricho 2016. Et demain, nous aurons un spécial OSP à partir de 6h du matin, de manière exceptionnelle. Si vous n'avez pas encore votre livret, venez acheter les livrets de jeunes. Bonheur conjugal aura bel et bien sa rencontre, mais pour le couple marié, à partir de 17h, nous allons exploiter ce thème, le pardon dans la vie d'un couple. Comment pardonner? Pourquoi pardonner? L'entrée est libre à partir de 17h au CP. Au revoir et à la fois prochaine. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.